Chapitre 28. Donner corps à la vision. 9-13 février 2005. L'impression d'écrasement due au transplanage fut beaucoup plus oppressante que d'habitude. Harry eut le temps de réaliser avec horreur qu'il n'avait visualisé aucun point d'arrivée. Il était certain d'être en train de se désarticuler quand il s'aplatit sur une surface dure. Sous le choc, il lâcha la jeune fille qui poussa un cri de douleur. Il tenta de se redresser, prêt à se défendre s'il était toujours dans le jardin du ravisseur. Il manqua de peu de Stupéfix et Molly qui se dressaient interdites devant lui. « Par Merlin, Harry, tout va bien ?» Il avait atterri devant le terrier. « Oui, Molly, merci, » assura Harry tout en vérifiant qu'il n'avait rien de cassé. « Mademoiselle Wiggleswad, ça ira ?»« Je crois, » répondit-elle en s'asseyant sur le sol, l'air un peu hagard. « Parfait. Molly, ramenez-la chez elle par cheminée. J'y retourne. » Il visualisa la perspective qu'il avait eue en regardant par la fenêtre de la salle de bain et transplana une fois de plus. Il atterrit sur la terrasse du ravisseur, la baguette prête à lancer un sort d'immobilisation. Il n'y avait personne à son niveau, mais son assaillant lui lança un maléfice de la fenêtre par laquelle les deux fugitifs avaient sauté. Harry se mit de côté pour l'éviter et tenta de riposter, mais l'homme avait disparu. Le jeune Aurore contourna la maison en courant, mais il arriva trop tard. Le criminel avait déjà ouvert la porte et transplané à partir du perron. Essoufflé et furieux de l'avoir raté, Harry rentra dans le bâtiment. Il verrouilla la porte derrière lui pour protéger ses arrières et s'approcha de l'âtre. Il y avait un pot de poudre verte sur le manteau de la cheminée qu'il utilisa pour appeler le bureau de son commandant. « Potter ?» demanda Fawcett, l'air soulagé de le voir. « Je suis dans la maison où la petite Wiggleswad était détenue. Je l'ai récupérée, mais le type a filé, » indiqua Harry. « Le département des transports peut-il identifier où je me trouve ?» Fawcett regarda sa montre pour noter l'heure exacte. « Je t'envoie du renfort. Ne bouge pas et ne prends pas de risques inconsidérés, » lui ordonna-t-il avant de couper la communication pour, Harry l'espérait, joindre le service de cheminette. Le jeune Aurore tenta ensuite d'appeler chez les Wiggleswad, mais leur cheminée n'était pas disponible. Sans doute était-il en train de parler à leur fille et à Molly. En attendant l'arrivée de ses collègues, il commença à fouiller l'endroit. Il y trouva des lettres adressées à un certain Gérald de Toothill. 10 minutes plus tard, on frappa à la porte. Après avoir regardé par la fenêtre, Harry alla ouvrir à Owen et Radford. « Besoin d'aide ? Sans qui Owen ? Il n'y a plus personne, mais on a une fouille à faire, » expose Harry. « On a vu la petite arriver chez ses parents, » lui apprit Owen. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » demanda-t-il en considérant la robe déchirée et couverte de terre de Harry. « Un petit échange de sorts avec le ravisseur, » expliqua le jeune Aurore. « Malheureusement, je l'ai laissé filer. »« Tu as récupéré l'otage en un seul morceau. C'est pas si mal, » estima son ami en examinant les traces de sortilège sur les murs. Ils terminèrent la fouille du rez-de-chaussée sans trouver d'indice indiquant qu'une autre personne que Toothill avait habité là. Les deux pièces, salon et cuisine, étaient plutôt bien tenues. Dans un tiroir du buffet de la pièce principale, ils découvrirent une baguette magique qui devait appartenir à la captive. Entre deux livres de la bibliothèque, ils tombèrent sur une photographie représentant un couple d'une 60aine d'années avec leur fils qui devait en avoir 40. « C'est lui, » montra Harry. « Il doit être un peu plus vieux maintenant, mais c'est bien lui. » Owen fit un aller-retour rapide au ministère pour faire immédiatement parvenir l'image au QG et en permettre la diffusion. À l'étage, ils visitèrent la chambre qui avait servi de geôle à Megan Wiggleswad. Un simple halo mora leur permit d'ouvrir la porte brisée. Harry réalisa, un peu mortifié, qu'il n'y avait même pas songé. Heureusement, aucun de ses collègues n'en fit la réflexion. Dans la pièce, il y avait un lit et une table sur laquelle se trouvait un plateau contenant les reliefs d'un repas. La chaise utilisée par la jeune fille pour sortir était renversée sur le sol. Derrière un paravent, il y avait un lavabo et une tinette. Dans l'armoire de la chambre d'à côté, étaient suspendus des vêtements d'homme. Sans doute était-ce celle où dormait Toothill. Il y avait en outre la salle d'eau par laquelle Harry s'était sauvé. « Ça a dû être un drôle de duel !» commenta Radford en regardant la brûlure qui trouait le tapis de bain. Répondit Harry, qui se demandait ce que son commandant allait en dire, son expérience lui indiquant qu'il était rarement félicité pour ses actions les plus spontanées. La cheminée crépitait quand ils redescendirent. C'était le brigadier Truston, sans doute renseigné par Fawcett, qui les appelait. « Y a quelqu'un ? » demanda-t-il. « On fouille les lieux !» expliqua Harry en mettant sa tête dans l'âtre. « Comment va mademoiselle Wiggleswad ?»« Justement, je pense qu'elle est en état d'être interrogée. Je vous attends !»« Un moment !» Harry se tourna vers ses collègues. « Vous pouvez terminer la fouille et mettre les scellés ? J'aimerais assister au témoignage de la victime. »« Va récolter tes lauriers, tu les as bien mérités, » lui lança Owen. Harry ouvrit la bouche pour assurer que ce n'était pas la raison, mais son ami, d'un signe de la main, lui indiqua qu'il ne faisait que plaisanter. Le jeune Aurore replongea sa tête dans la cheminée et fit savoir qu'il arrivait. Quand il débarqua chez les Wiggleswad, Meghan était assise à la table de la cuisine, entourée de ses deux parents. Elle ne s'était pas changée, mais était emmitouflée dans une couverture. Elle tenait une tasse de thé d'une main tremblante et, derrière elle, Molly s'affairait devant le fourneau. Thruston regardait par la fenêtre. Harry supposa qu'Alderton et le policier qui faisait temporairement équipe avec lui étaient en faction dans le jardin. « Ah, Monsieur Potter !» s'écria Mrs. Wiggleswad en se précipitant vers lui. « Merci, merci !» Son mari les rejoignit et déclara « Nous avons une dette immense envers vous. Nous ne l'oublierons pas. » « Je n'ai fait que mon travail, » assura Harry, « et nous n'en sommes qu'à la moitié. Est-ce que le nom de Gérald de Tooth-Hill vous dit quelque chose ?»« Comme je l'ai indiqué tout à l'heure au brigadier Thruston, quand il m'a montré la photo, » répondit Mrs. Wiggleswad, « c'est un de mes anciens employés au magasin. » J'ai dû me séparer de lui car il y avait toujours des irrégularités de caisse quand il la tenait. Je n'arrive pas à croire qu'il puisse avoir fait ça. Visiblement, Fawcett avait fait bon usage du cliché que lui avait apporté Owen. Harry, tranquillisé, prit le temps d'examiner la jeune fille qui l'avait aidée à s'enfuir. Elle était toute dépeignée et avait des traces de terre sur les joues. Elle reposa sa tasse de thé et adressa un sourire gêné à Harry. « Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure. Je suis tombée des nues quand on m'a dit que j'avais été sauvée par Harry Potter. » « Ça fait beaucoup de chutes pour une même journée, » remarqua Harry. Elle eut un petit gloussement nerveux. « J'ai vraiment cru que vous aviez l'intention de nous faire atterrir sous la fenêtre. Je n'aurais jamais pensé à transplaner en même temps. »« Moi non plus, » avoua Harry. « C'est quand j'ai réalisé qu'on allait s'écraser que j'ai tenté une autre approche. Au fait, bravo pour avoir défoncé la porte. Cela nous a fait gagner du temps. »« Je n'allais pas rester les bras ballants pendant que vous vous battiez pour moi, » dit-elle modestement. Molly posa une assiette de gâteau aux fruits devant elle et s'avança vers Harry avec une tasse de café fumant d'où s'échappait une fragrance d'alcool. « Je sais que tu es en service, » déclara-t-elle, « mais tu vas boire ça et me laisser soigner ton bras. Tu as une jolie estafilade. » Harry voulut protester, mais il songea que si Jenny voyait du sang sur lui, elle allait s'inquiéter. Il se laissa donc faire par sa belle-mère en tentant de se souvenir à quel moment il avait été blessé. Elle avait à peine terminé que le feu crépitait et que Fawcett demandait à parler à Harry. « Commandant, Harper et Radford vont rester chez Tooth-Hill au cas où il y revient. »« Si on attrape le type, je veux qu'on ait un bon dossier à présenter au Majan Mago. Je te laisse recueillir le témoignage de la victime. J'enverrai des équipes fraîches pour vous relever à 18h. »« Bien, chef !» Harry demanda à Meghan de le suivre dans le salon pour prendre sa déposition. Il fit signe à Thruston de venir avec eux. La jeune fille se laissa embrasser sur les deux joues par Molly, qui était en train de prendre congé avant de les accompagner. « Pouvez-vous nous raconter avec le plus de détails possible ce qui vous est arrivé ?» demanda Harry. « Je n'ai pas grand-chose à dire. J'étais en train de dîner, avant-hier soir, je crois, quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert sans réfléchir, on est tellement tranquille ici. Je pensais que c'était Mrs. Parkin, la voisine. Mais c'était une personne avec une longue cape noire et le visage dissimulé sous une capuche. J'ai cru ma dernière heure arriver. » C'est idiot, mais j'ai pensé que c'était un mange-mort. Il a levé sa baguette et dit un mot et là, c'était bizarre. Je me suis sentie calme. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. C'était comme si lui obéir était la meilleure chose à faire. Je vois parfaitement ce que vous voulez dire, lui assura Harry. Que vous a-t-il demandé ? De le suivre en silence. Et c'est ce que j'ai fait. Je me sentais obligée, vous comprenez ? Nous comprenons, affirma Harry sans prononcer le mot d'imperium pour ne pas influencer son témoignage. Dès que nous sommes sortis du périmètre anti-transplanage, il m'a prise par le bras et on est arrivé devant une maison. Enfin, je crois, car il m'a ordonné de fermer les yeux et je l'ai fait. Il m'a guidée, m'a fait monter un escalier et m'a enfermée dans la chambre. J'y suis restée tout le temps. « Vous lui avez parlé ?» questionna Thruston. « Je lui demandais de me laisser partir quand je savais qu'il était derrière la porte, parce qu'il faisait apparaître ou reprenait mon plateau, mais il ne m'a jamais répondu. « Il n'est jamais rentré dans la chambre où vous vous trouviez ?»« Non. » « Il peut vous avoir jeté des sortilèges d'oubliettes, » la prévient le brigadier. « Avez-vous ressenti des moments de confusion, l'impression que le temps ne passait pas normalement ?»« Je ne crois pas. Les journées m'ont paru longues. Par contre, » elle hésita un instant et confia. « J'ai été étonnée d'avoir dormi aussi bien les deux nuits. J'ai pensé qu'il versait une potion dans mon repas du soir. » « Il y avait des fioles dans la cuisine, » leur apprit Harry. « Mes collègues sont sans doute en train de les analyser. » Vous n'avez pas ressenti de douleur inexpliquée ou de bleu pour lesquels vous n'avez aucune explication, insista Thruston. Elle le regarda horrifiée. Vous pensez qu'il m'endormait pour m'agresser? Elle considéra la question et dit Je n'ai pas eu l'impression que quoi que ce soit clochait quand je me réveillais. J'étais juste bien reposée. Il est vrai qu'elle tenait bien le choc après 2 jours de captivité. Il vous laisse sans doute dormir sur ses 2 oreilles, la rassura Truston. Il s'assurait que vous ne profiteriez pas de son sommeil pour vous enfuir. Je n'aurais pas pu faire grand-chose, soupira-t-elle. La fenêtre était enchantée pour que je ne puisse même pas m'en approcher. Je ne pouvais ni l'ouvrir, ni faire signe pour indiquer que j'avais besoin de secours. Le lit était fixé au sol et j'avais tenté de forcer la porte le premier matin. Mais elle était trop solide pour que je puisse l'ouvrir sans faire un raffut qui l'aurait alerté. On se sent tellement impuissant sans sa baguette. Oh, je pense l'avoir, se souvint Harry en récupérant dans sa poche celle qu'il avait trouvée dans la maison. C'est la vôtre? Oh oui, merci beaucoup. Elle la saisit et de bonne heure en fit sortir une myriade d'étoiles. « Elle m'a tellement manqué !»« Je sais ce que c'est, compatit Harry. C'est comme perdre un bras. » Elle hocha la tête pour montrer qu'elle approuvait la comparaison. « Ma mère m'a dit que je ne pourrais pas sortir. C'est vrai » demanda-t-elle. « Ce serait imprudent tant que nous n'avons pas rattrapé ce tout-il. » »« Il semble en vouloir à votre mère et pourrait tenter de recommencer. J'espère que vous allez lui mettre la main dessus rapidement, parce que j'en peux plus d'être enfermée. » « Nous allons faire de notre mieux », assura Harry, pendant que Truston tendait à la jeune fille les notes qu'il avait prises durant sa déposition pour qu'elle les signe. Ils restèrent sur place tout l'après-midi. Vers 5 heures, ce fut le tour de Harry et Truston d'être en faction à l'extérieur. Le brigadier en profita pour questionner. « Monsieur Potter, je peux vous demander, comment avez-vous su pour le porte au loin ?»« L'horloge a sonné l'heure », expliqua Harry. « Et ?» insista le brigadier que la réponse avait laissé perplexe. La voyante en avait parlé. Elle a dit que si elle en avait rêvé, c'est que c'était quelque chose d'important. Alors j'ai foncé sur ce qu'elle nous avait décrit, c'est-à-dire le hibou et la bourse pleine de galions. Truston resta un moment silencieux. Vous ne l'auriez pas fait si elle n'était pas venue ce matin? Je n'ai pas vraiment deviné ce qui allait se passer. J'ai juste fait comme si sa vision devait être prise en compte. Il se souvint de conversations qui avaient eu lieu des années auparavant dans le bureau du directeur de Poudlard. En un sens, c'est moi qui ai donné corps à sa vision en y croyant. Dans le cas contraire, elle n'aurait servi à rien. Donc les incroyants ne peuvent jamais bénéficier de l'aide des songes prémonitoires ? Demanda Truston sur un ton qui montrait que l'idée ne lui plaisait pas. Disons qu'il faut savoir être naïf de temps en temps, répliqua Harry. Avoir un petit grain de folie ne fait pas de mal, compléta-t-il en pensant à son ancien mentor. À l'heure dite, Alicia Spinette et un policier arrivèrent pour prendre la relève. Fossette t'attend, signala-t-elle à Harry. Une fois revenu au ministère, c'est avec un peu d'appréhension que l'Aurore toqua à la porte de son commandant. Mais Fossette l'accueillit avec un grand sourire. « Bien joué, Potter, tu as eu beaucoup d'intuition. Comment ça s'est passé quand tu t'es retrouvé là-bas » Harry tenta de retracer la façon dont s'était déroulée la libération de la jeune fille. Il omit juste de préciser qu'il n'avait aucun plan d'établi quand il avait sauté par la fenêtre. « Tu as transplané en plein vol ! » s'exclama son chef. Et en escorte? C'est impressionnant. J'ai toujours senti que tu étais un aurore jusqu'au bout de la baguette. Tu pourras me faire un rapport écrit d'ici demain midi? Pas de problème, répondit Harry. Et le type, pas de nouvelles? Non, toujours pas. On a reproduit la photo que tu as trouvée, on l'a transmise au départ de Port-au-Loin internationaux. On a retrouvé la maison de ses parents et elle est sous surveillance. Demain, on affichera sa tête dans tous les lieux les plus fréquentés. Je n'ai rien trouvé sur lui dans nos dossiers, ni ceux de la police. Ce n'est pas un pro, il tombera vite, j'en suis certain. Tu peux rentrer chez toi et te reposer, tu l'as bien mérité. » Harry sortit du bureau avec une impression bizarre. On l'avait félicité pour s'être précipité sans réfléchir aux conséquences, pour s'être retrouvé face à un adversaire sans avoir prévu de solution de repli, et aussi pour avoir fait sauter la personne qu'il devait protéger d'une hauteur qui aurait pu la blesser. Son commandant s'était même montré impressionné par le fait qu'il s'en soit tiré grâce à une chance incroyable. Cela avait du bon d'être traité en adulte. Avant de rentrer chez lui, Harry décida qu'une démarche s'imposait. Il se rendit dans le passage des sirènes et frappa à une porte. John Pennyfold lui ouvrit, entouré de ses effluves de patchouli. « Monsieur Potter ? » dit-elle un peu méfiante. « Juste pour vous annoncer que Megan Wigglesworth a été retrouvée et que votre vision nous a beaucoup aidés. » Elle eut un grand sourire. « Oh, je suis si contente ! La pauvre petite n'a pas trop souffert ?»« Elle a été enfermée pendant 2 jours, mais a été correctement traitée. » Tout est bien qui finit bien. Merci infiniment d'avoir pris la peine de me prévenir. Vous voulez entrer un moment? Non, je vous remercie, ma femme m'attend. Si un jour vous souhaitez en savoir davantage sur votre avenir, n'hésitez pas, lui proposa-t-elle en le gratifiant d'un long regard pénétrant. C'est gentil, déclina-t-il, mais à chaque fois qu'on a prédit des choses sur moi, je ne peux pas dire que cela m'ait porté chance. Parfois, je me demande pourquoi les gens veulent tellement connaître ce que la vie leur réserve, reconnut-elle avec un sourire triste. « Je vois que vous êtes sage, monsieur Potter. Sage et courageux, ce n'est pas si courant. » Elle lui lança un dernier sourire avant de refermer sa porte. Ginny était déjà rentrée du magasin de ses frères quand il arriva dans sa cuisine. « Ton bras va bien ?» lui demanda-t-elle. « Qui t'a raconté ça ?» s'étonna-t-il, avant de se souvenir que Molly et Ginny avaient des moyens de communication qui allaient bien au-delà de ce que la magie permettait de faire. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement ?» s'enquit-il. « Que tu t'es conduit en vrai héros et que tu as libéré tout seul une demoiselle en détresse, » répondit-elle. « Viens à table, tu dois avoir faim. »« Alors ?» demanda-t-elle une fois que Créature les eut servis. « Je croyais que tu savais tout. Ta version m'intéresse, » affirma-t-elle. Harry s'exécuta en tentant tout de même de minimiser les risques qu'il avait encourus une fois dans la maison du criminel. « La seule chose que je ne comprends pas, » conclut-il, « c'est pourquoi j'ai atterri au terrier. » « Tu es comme le cheval qui revient toujours à l'écurie, » sourit Ginny. « C'est ta seconde maison. Remarque, je suis rassurée. Si tu transplantes pendant ton sommeil, je te retrouverai sur le canapé de mes parents. » Une bonne nouvelle l'attendait quand il se présenta au QG le lendemain avant de prendre son service chez les Wigglesworth. « On a récupéré toute file, » lui apprit Pritchard. Primrose Tagworth et l'agent Graves l'ont épinglé à l'aube quand il a tenté d'aller voir ses parents. Ils ont fait un interrogatoire préliminaire et l'ont bouclé dans une cellule avant de partir se coucher. On a levé la surveillance chez la petite Meghan aussi. « Une bonne chose de faite, » se réjouit Harry. « Ils doivent tous être soulagés là-bas. » Il prit le procès-verbal qui l'attendait sur son bureau. Répondant aux questions des Aurores, Tootsie avait reconnu avoir enlevé Meghan Wigglesworth en vue d'obtenir une rançon. Il admettait avoir utilisé l'Imperium. Il expliquait son geste par son renvoi injustifié de l'épicerie de Mrs. Wigglesworth. Les erreurs de caisse dont on l'avait accusé n'étaient pas de son fait et il avait voulu se venger. « Ton copain Truston risque de te faire un peu la gueule. Tu l'as complètement largué sur ce coup-là. » Harry aurait aimé prendre la défense du policier, car il l'estimait beaucoup, mais dut admettre en son fort intérieur qu'il avait été plus intuitif et plus réactif que le brigadier dans cette affaire. Il espéra que le policier ne lui en tiendrait pas rigueur. Il n'avait pas cherché à l'éclipser, il avait juste suivi son instinct. Harry quitta son coéquipier pour aller dans les bureaux de la police magique. Le brigadier était à son bureau et, au grand soulagement du jeune Aurore, il lui sourit sans rancune apparente. « Je viens d'apprendre la bonne nouvelle ?» commença Harry. « Je suis en train de lire la copie du rapport préliminaire, » dit le policier d'un ton satisfait. « Quand serez-vous libre pour interroger notre client ? Qu'on en termine avec cette affaire. Ce matin, si vous voulez. « Je prendrai bien un café avant, si cela ne vous dérange pas, » suggéra Harry. Le brigadier le mena avec empressement vers le coin des tentes du bureau. Ils commentèrent les dernières nouvelles de la Gazette. Des Croups qui s'étaient échappés d'un élevage et le département de créatures magiques sur les dents. Et puis le policier changea de sujet. « Comment va votre ami Ronald Weasley ?»« La charge dont il a hérité n'est pas une sinécure. »« Il tient le coup, » dit Harry. « Et de votre côté, comment avance le dossier Flamel ?»« On a dû abandonner certaines accusations, mais on en a découvert d'autres. Par contre, je suis désolé pour votre ami, mais le ministère va sans doute vouloir recouvrer des taxes qui auraient dû être acquittées ces dernières années. »« Je suis certain qu'il aura à cœur de repartir sur des bases saines, » assura Harry. Une fois la pause terminée, ils firent venir Tootsie dans une des cellules d'interrogatoire de la police. Harry lui relut les déclarations qu'il avait faites durant la nuit et demanda « Si vous nous racontiez tout du début, comment l'idée vous est venue et comment vous avez mis au point votre opération ?» Le prisonnier leva les yeux au ciel d'un air fatigué, mais reformula ce qu'il avait déjà indiqué à ceux qui l'avaient questionné les heures précédentes. « Je suis toujours en contact avec une ex-collègue qui travaille à l'épicerie de cette garce de Wigglesworth. C'est une vraie puie et à chaque fois qu'on se croise, elle me raconte toutes ses conversations avec sa patronne, comme si ça pouvait m'intéresser. À force, ça m'a donné l'idée qu'elle pouvait me servir à avoir des informations qui me permettraient de me venger. Comme elle parle toujours de sa fille comme si c'était la huitième vraie sorcière, j'ai imaginé l'enlever et l'échanger contre rançon, pour me dédommager. Parce que, tant qu'à être traité de voleur, autant l'être pour de bon. Vous avez tout préparé à l'avance ? Oui. Je ne voulais pas lui faire de mal à la petite, juste la garder 2-3 jours, le temps de récupérer le fric. Quand mon ancienne collègue m'a dit qu'elle devrait faire la fermeture du magasin lundi soir au lieu de la matinée parce que les Wigglesworth devaient sortir, je lui ai demandé si Meghan y allait aussi. Quand elle m'a répondu que non, j'ai tout mis au point pour agir ce soir-là. « Et vous avez décidé d'utiliser un impardonnable pour cela ?» insista Truston. « Pourquoi ne pas l'avoir stupéfixé ?»« C'était ce que j'avais prévu initialement, » assura Tootsie. Mais j'ai dû changer mes plans à cause du sortilège anti-transplanage. Je ne pouvais pas prendre le risque de rencontrer quelqu'un en sortant de là avec un corps inerte en remorque. « Vous auriez pu la désillusionner ?» fit remarquer Harry. « La quoi ?» demanda le ravisseur. Il est vrai que ce n'était pas une technique très courante, mais cela n'expliquait pas tout. « Quand avez-vous décidé d'utiliser l'Imperium ?» questionna Harry. « Quand j'ai vu que je ne pouvais pas transplaner avec elle, » répéta Toutil. « Vous voulez dire quand vous avez préparé votre coup ?» traduisit Truston, qui avait compris où Harry désirait en venir. « Non, seulement le soir même, quand j'attendais le moment d'agir près de leur maison, » assura leur interlocuteur. « J'ai remarqué qu'il y avait une barrière qui m'empêcherait de partir comme je l'avais prévu. » « Alors vous avez soudain eu l'idée d'un impardonnable et vous l'avez utilisé comme ça, sans vous être entraîné auparavant, » résuma Truston d'un ton qui montrait à quel point il ne croyait pas à cette version. « D'où vous venait cette pratique de ce maléfice ?»« On en a beaucoup parlé dans les journaux pendant le procès des Mangemorts, » expliqua Tothil, qui avait commencé à transpirer. « Je connaissais la théorie, je l'ai appliquée. » Harry se sentit mal à l'aise. Cela n'était pas si loin de la façon dont il en avait lui-même usé pour entrer à Gringotts. « Je ne pense pas, » réfuta le brigadier. « Vous aviez soigneusement préparé votre affaire pour ne pas être reconnu par Meghan. Vous avez appris à enchanter un porte au loin, ce qui est loin d'être facile, et tout à fait illégal. Alors moi, je pense que vous saviez à l'avance que vous alliez utiliser de l'Imperium et je suis persuadé que vous êtes entraîné avant de l'essayer pour de bon. » L'homme avait parfaitement compris que si on arrivait à l'inculper pour l'emploi d'un impardonnable avec préméditation, la peine serait plus lourde que s'il invoquait l'utilisation improvisée. « On ne lance pas un impardonnable comme ça, » répéta Truston. « Sur qui vous êtes-vous entraîné pour préparer cet enlèvement ?»« Mais sur personne !» affirma Toothfield avec une note de désespoir dans la voix. « C'était la première fois que j'en lançais un !» L'homme tremblait maintenant, comprenant qu'il était très mal parti. « Je vous jure que je n'y avais pas pensé avant. Je suis allée chez eux en cheminée. J'avais prévu de repartir en transplanant, mais j'ai compris que ce n'était pas possible. Tout était prêt chez moi. Les parents sont sortis à l'heure dite. Elle est restée. J'avais mon occasion. Je ne savais pas si j'en aurais une autre. » J'ai vu que ce serait trop risqué de la faire léviter en dehors de la barrière anti-transplanage et j'ai pensé au sort d'Imperium. « Je sais que c'est un impardonnable, mais c'était une façon de m'y prendre sans lui faire de mal. J'ai tenté ma chance, ça a marché. Je l'ai emmené plus loin et après j'ai suivi le scénario établi, jusqu'à ce que vous arriviez avec la bourse, » conclut-il en grimaçant en direction de Harry. Il y eut un silence, puis Truston fit signe à Harry qu'il voulait lui parler dans le couloir. Les deux enquêteurs sortirent. « C'est possible d'improviser un sort pareil ?» demanda le brigadier à Harry. « Oui, en théorie, » admit Harry. En espérant que le policier considérerait que cela faisait partie de sa formation d'Aurore. Il faut juste être très motivé par le résultat visé. « Ça semble être le cas, » commenta Truston. « Il en veut beaucoup à la mère. Avait tout préparé, pensait que c'était son unique chance ce soir-là. Ça colle. Enlèvement, porte au loin légal, aggravé par l'impardonnable, il encourt déjà 10 ans d'emprisonnement, » raisonna Harry. « Ce n'est pas un mange-mort quand même. » « Bon d'accord, on laisse tomber. » Par contre, j'aimerais bien en savoir davantage sur la façon dont il a appris à créer un porte au loin. Ils retournèrent dans la pièce pour obtenir ces précisions. L'homme avait tout simplement fait des recherches à la bibliothèque et travaillé le sort jusqu'à ce qu'il soit capable de l'exécuter. Une fois qu'il eut été remis sous écrou, Harry fit remarquer. « Il se débrouille bien pour un simple vendeur. Il arrive que les pouvoirs magiques se développent avec retard, » lui indiqua Truston. « Chez d'autres, par contre, ils sont extraordinairement précoces. » « Hum, oui, » convint Harry. « En tout cas, j'espère qu'il utilisera ses capacités avec plus de discernement quand il sortira d'Azkaban. Certains gagent vraiment leur potentiel, » soupira le brigadier. Le samedi suivant, Teddy était attendu au Square Grimoire, après le déjeuner, pour y rester jusqu'au lendemain. Harry s'arrangeait pour passer un moment avec son filleul, au minimum 2 fois par mois. Si dans l'ensemble, l'enfant adorait ses occasions et était de bonne humeur, Harry avait quand même dû faire face à des colères, des bouderies, des montées de fièvre, une chute dans l'escalier, des cheveux se colorant inopinément lors de leur sortie dans le Londres moldu. Il avait calmé des crises, bercé des pleurs, cherché des détraqueurs sous le lit et supporté un tourbillon en pleine forme lui sautant dessus à 7 heures du matin. Quand Andromeda le lui amena en cheminée ce jour-là, il vit qu'elle avait l'air fatiguée. Elle sembla sur le point de lui dire quelque chose, mais elle renonça et partit après avoir dit au revoir à son petit-fils. « Salut Teddy, » fit Harry. « On sort aujourd'hui ?»« Pas envie, » répondit l'enfant d'un ton bougon. « Tu veux jouer aux cartes explosives ?» lui proposa Ginny. « Non, » refusa sèchement Teddy. Harry et Ginny se regardèrent un peu surpris. « Tu peux aller chercher tes jouets dans ta chambre et t'installer près de nous ?» offrit finalement Harry. Teddy se dirigea vers les escaliers pendant que les deux adultes retournaient dans le salon. Tu crois qu'il vient de se faire tirer les oreilles par Andromeda ? Chuchota Ginny. C'est possible, elle faisait une drôle de tête, répondit son mari. Bon, j'espère qu'il va vite se calmer. Teddy redescendit un peu plus tard avec ses affaires. Il feuilleta un moment un de ses livres sur les dragons, puis commença à installer un jeu de bave-boule miniature devant la cheminée. Harry tika. Normalement, il était entendu que ce divertissement n'était autorisé que dans le vestibule. « Fais attention de ne rien casser, » prévint-il, préférant tempérer l'interdiction vu l'humeur de l'enfant. « Oui, oui, » répondit Teddy en reculant pour prendre du champ. Ce qui devait arriver arriva. La boule qu'envoya le filleul de Harry atterrit sur le bouquet de mariage de Ginny qui prenait une retraite bien méritée sur le manteau de la cheminée. « Teddy !» protesta Harry d'une voix sévère, sachant que son épouse était très attachée à ce souvenir. « Je l'ai pas fait exprès !» s'exonéra le garçonnet. « Manquerait plus que ça !» grogna Ginny en se levant lourdement pour évaluer les dégâts. « Si tu continues, tu vas finir l'après-midi dans ta chambre !»« Je m'en fiche !» cria Teddy en quittant la pièce et en se précipitant dans les escaliers. Après son départ, les deux adultes se dévisagèrent abasourdis. « Mais qu'est-ce qu'il a à la fin ?» s'interrogea Ginny, reposant son bouquet momifié à sa place. « Aucune idée. Tu crois que je devrais aller lui parler ?» demanda Harry. « À 7 ans, ce n'est pas encore l'adolescence, si ?» On était supposé avoir quelques années de répit, confirma Ginny. Mais c'est vrai que cette attitude ne lui ressemble pas. Il y a sans doute quelque chose qui l'a contrarié. Ils décidèrent de le laisser se calmer et d'entreprendre de l'interroger plus tard. Au bout d'un moment, Harry monta voir ce qu'il faisait et le trouva plongé dans ses jeux de construction. Quand Teddy leva le visage vers Harry, rien ne laissait entendre qu'il était parti furieux une demi-heure auparavant. On va au parc ? Demanda-t-il. Ils sortirent donc et l'enfant parut bien s'amuser avec les installations moldues mises à la disposition du jeune public. Il retrouva même un camarade avec lequel il s'était lié d'amitié les fois précédentes et joua au ballon avec lui. Le soir au dîner, il était aussi gai que d'habitude et Harry oublia l'incident. Le dimanche matin se passa calmement et ils prirent la cheminée pour rejoindre le terrier où toute la famille devait se retrouver. Teddy disparut vite avec Victoire dans la salle de jeu aménagée à l'arrière de la maison. Ils réapparurent pour le déjeuner. Les adultes parlaient de choses et d'autres dans une joyeuse cacophonie. Il y eut soudain une sorte de pause quand, de façon inopinée, plusieurs conversations prirent fin en même temps. Harry ouvrait la bouche pour demander à Ron comment se passaient les discussions entre le ministère et la guilde au sujet des irrégularités de son prédécesseur lorsque la voix de Dudley s'éleva. « C'est vrai que les loups-garous sont méchants ?» Un silence, étonné et consterné, s'abattit sur la table. « Bien sûr que non, » s'insurgea Harry. « Comment peux-tu te dire ça ?» Sous le regard des adultes et la surprise contrariée de son parrain, l'enfant se tassa sur sa chaise. Arthur intervint. « Pourquoi penses-tu que les loups-garous sont méchants ?» N'obtenant pas de réponse, il insista. « Quelqu'un te l'a dit ?» Teddy hocha la tête. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda encore Arthur. L'enfant haussa les épaules en signe d'ignorance. « Beaucoup de gens croient qu'ils sont méchants, car certains le sont vraiment, » expliqua Arthur. « Mais il y en a aussi de très gentils. Moi, j'en ai connu un qui était mon ami. Tu crois que je serais devenu ami avec quelqu'un de méchant ?» L'enfant fixait son assiette comme plongé dans une immense réflexion. Arthur laissa passer un moment avant de demander doucement. « Est-ce qu'on t'a dit autre chose sur les loups-garous ?»« Ils tuent les gens et les mangent. » murmura Teddy d'une voix si basse qu'on l'entendit à peine. « Quand la lune est pleine, ils peuvent tuer des gens, » admit Arthur. « Mais ceux qui sont gentils ne le font pas. Ils savent qu'ils seront dangereux malgré eux pendant plusieurs heures. Alors ils prennent leurs précautions pour ne faire de mal à personne. Ils s'enferment ou boivent de la potion Tulou. Tu sais, c'est ça être sorcier. On peut tuer les autres avec des sorts, mais quand on est gentil, on ne le fait pas. » On sentit que le petit garçon n'avait pas encore toutes les réponses. On respecta son silence, s'en remettant à Arthur pour mener ce délicat dialogue. « Il y a des gentils qui tuent des gens très méchants !» finit par lâcher Teddy en lançant un regard furtif vers Harry. On aurait dit qu'il avait rétréci, tellement il s'était tassé sur sa chaise, les yeux obstinément baissés. Harry jeta un regard éperdu à Arthur, qui garda toute son attention concentrée sur le fils de Rémus. « Parfois, on n'a pas le choix et on doit le faire pour sauver sa vie et celle des autres, » admit Arthur. « On est méchant que si on le fait pour se faire plaisir. » Il y eut un nouveau silence et Arthur conclut. « Ton papa n'avait que des amis ici. Nous l'aimions parce qu'il était gentil. Il ne nous aurait jamais fait de mal. Ne l'oublie pas, la prochaine fois qu'on te dira des méchancetés sur les loups-garous. » Andromeda se leva et prit son petit-fils dans les bras. Il s'y blottit, ayant manifestement besoin de cette attention. La grand-mère laissa aussi apparaître de l'émotion sur son visage, ce qui était très rare. Pour les laisser en paix, les autres convives tentèrent de reprendre un semblant de conversation. On servit la suite tandis qu'Andromeda se rassaillait avec Teddy sur ses genoux. Une fois le déjeuner achevé, Harry, encore sous le choc, sortit discrètement dans le jardin. Il avait honte d'avoir répondu sèchement à Teddy au début de la discussion, de n'avoir pas compris que le petit garçon avait un problème. Et aussi, il réalisait combien il avait été désemparé par les questions posées. Il savait qu'il aurait été incapable de dire à Teddy ce qu'il avait désespérément besoin d'entendre. La porte du terrier s'ouvrit dans son dos et Arthur s'avança vers Harry. « Ça va ?»« J'aurais complètement répondu à côté, » analysa Harry. « Question d'habitude, » dit modestement Arthur. « Mais tu sais, même les parents imparfaits arrivent à élever leurs enfants à peu près correctement. Regarde Bill. Qui croirait que nous avons fait sur lui toutes nos expériences éducatives ?» Harry sourit. « On a le droit à l'erreur, » insista Harry. « Ne t'en fais pas. Je te confie sans réserve l'éducation de mon futur petit enfant. »